On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tu veux parler aujourd'hui de la pêche à l'ancre? Oui, bien écoute, il y a des gens qui vont pêcher avec un ancre, okay. C'est-à-dire qu'ils vont s'ancrer à un endroit, puis il y en a d'autres qui vont faire de la pêche à la traîne comme moi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui fait de la chasse puis de la pêche, puis quand je fais de la chasse, oui, c'est correct, on peut rester à un poste quand on va chasser l'orignal, puis on va chasser le chevreuil ou l'ours, parce qu'on a préparé notre territoire, mais dans un lac, on peut pas préparer un territoire. On peut pas ensemencer du poisson à un endroit qui reste là en disant, ben écoute, on va l'attirer dans un endroit, on va y déposer de la nourriture, puis le poisson va venir là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le poisson se promène dans un lac qui reste pas en place. Puis si vous pêchez, vous décidez de pêcher à l'ancre, la première des choses que vous faites, c'est que vous mettez un ancre au fond. Bien des fois, les gens le mettent pas d'une façon très délicate. Ça va tout brouiller l'eau du fond pendant, je te dirais, une heure avant que le poisson commence à revenir dans le coin. Puis ça donne absolument rien parce que ça veut pas dire que si vous avez vu du poisson sur le sonar, que c'est réellement du poisson. Les gens ont trop souvent confondu des barres, ils ont confondu des petits bancs de menée, ils ont confondu des branches en suspension. Les sonars font pas la différence. Les sonars surtout qui coûtent pas cher, des sonars à 199$, vont vous montrer des belles structures de fond, mais ils seront pas aptes à vous montrer du vrai poisson. Okay. Donc, pourquoi pêcher à l'ancre? Pourquoi s'ancrer à un endroit en pensant que le poisson va venir? L'exemple que je donne, c'est toujours le même. Quand on va à chasse à perdrix, j'ai deux choix. Ou je rentre dans un chemin de bois, puis je fais du chemin pendant la journée en risquant de voir des perdrix qui viennent s'alimenter sur le bord de la route. Ou j'arrête sur le bord de la route, je m'assieds sur une souche, puis j'attends que les perdrix viennent à moi. On verra bien à la fin de la journée qui a vu le plus de perdrix. Okay. Donc, la pêche est exactement pareil. La pêche, si tu trouves pas ton poisson, si tu cherches pas et si tu chasses pas ton poisson, il y a bien des chances que tu prennes moins de poissons. Okay. Une technique qui est bonne, c'est la pêche à la dérive. C'est-à-dire que tu vas vérifier le sens du vent et tu vas aller pêcher pour que le vent te dérive. Donc là, ton leurre se dépose vers le fond, bouge à une vitesse qui est vraiment lente, et là, le poisson qui veut pas mordre beaucoup va ramasser ton leurre. Mais pêcher à l'ancre, pêcher au lancer et ramener vers le bateau, c'est moins efficace que si tu fais de la pêche à la traîne. OK. Okay. Donc, y a-t-il beaucoup de monde qui font de l'ancre, qui pêche à l'ancre normalement? C'est-tu beaucoup? Ah, il y a beaucoup. Il y a quand même pas mal de monde qui pêche à l'ancre. Je trouve ça regrettable. Il y en a qui disent, c'est pas le fun de faire la pêche à la traîne, je fais rien. Mais pêcher à l'ancre, tout ce que tu fais, c'est où tu pêches à côté du bateau. Donc, c'est ce qu'on fait avec des enfants où on leur met une flotte rouge et blanche pour on attend que la flotte disparaisse. Ou encore, tu as des gens qui vont faire des lancers. Mais quand tu ramènes, tu sais jamais à quelle place qui est ton leurre parce que tu moulineras pas à la même vitesse tout le temps. Donc, lancer au bord puis ramener, ça veut pas amener plus de truites que si tu pêches à avec un moteur, c'est-à-dire que si tu pêches pas à la dérive, mais à pêche à la traîne, tu vas avoir plus de chances de ramasser du poisson à la traîne que tu vas en avoir à pêcher à l'ancre. OK. Claude, on s'en reparle quelque part la semaine prochaine? Oui, je vais être en Gaspésie, je pars pour la semaine, je vais revenir vendredi prochain. Bon, ben merci beaucoup. Voilà, donc c'était Claude Perron et Claude Roy qui nous parlait de pêche.